Le camarade Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté le complexe d'arboriculture fruitière d'Edongan en compagnie des cadres responsables du Comité Central du Parti. Devant le tableau panoramique du district du complexe, il a écouté les explications avant de monter sur le belvédère pour admirer la vue du complexe. En contemplant la mer d'arbres fruitiers étendue à perte de vue, il a souligné que le complexe d'arboriculture fruitière d'Edongan est un héritage patriotique laissé à notre peuple par le général Kim Jong-il, qu'il a aimé infiniment, et que chaque fois qu'il passe devant le complexe, il se souvient du général avec un vif regret. Et de dire « Les cadres et autres travailleurs du complexe ne doivent jamais oublier le désir du général qui s'est consacré entièrement pour alimenter suffisamment le peuple des fruits frais toutes les quatre saisons. Ils sont appelés à donner davantage de fruits chaque année pour faire honneur toujours aux exploits inoubliables de notre général et rester fidèles à la noble obligation morale envers lui. » Le complexe a ouvert des perspectives sûres pour atteindre l'objectif de production de fruits défini par le parti pour cette année, et aussi a fourni aux citadins de la capitale des pommes primeurs, et j'en suis très content. Entré dans un verger avec satisfaction, il a touché l'un après l'autre des fruits que portent lourdement les pommiers, en les comparant aux grappes de raisin. Et de continuer. Les pommiers bien plantés en échiquier sont lourdement chargés des fruits couvrant la moitié d'arbres. En dépit des conditions climatiques défavorables, on a rentré une belle récolte sans précédent, ce qui est un signe de la prospérité nationale. Cette réalisation jamais connue depuis l'apparition du complexe d'arboriculture fruitière d'Edongan est due à l'esprit d'application à outrance dont ont fait preuve les fonctionnaires du ministère de la Sécurité du Peuple et les cadres et travailleurs du complexe, en retenant l'intention du parti désireux de fournir aux habitants suffisamment de fruits, et je leur témoigne de la reconnaissance au nom du comité central du parti. Si l'on voit ainsi, le complexe pourra produire plusieurs dizaines de milliers de tonnes de fruits dans un avenir proche. Si l'on œuvre avec persistance comme aujourd'hui, en se tenant haut la politique du parti en matière d'arboriculture fruitière, on peut atteindre bel et bien l'objectif ambitieux de production de fruits. Le camarade Kim Jong-un a donné ses instructions de valeur de guide pour la gestion du complexe. Livrer énergiquement la lutte destinée à produire 50 tonnes de fruits par hectare selon le dessein du parti, rehausser le niveau de scientifisation et d'intensification de la production fruitière, adopter activement les espèces de fruits de haute productivité et savoureux et normaliser la production des plants d'arbres fruitiers de qualité supérieure, établir impeccablement le système de production circulaire arboriculture fruitière élevage, élevage arboriculture fruitière, pour ainsi fertiliser sans cesse les champs, adopter activement la technique avancée en accord avec le courant mondial de développement de l'arboriculture fruitière, mener dynamiquement l'émulation socialiste avec les fermes d'arboriculture fruitière de tout le pays, etc. En admirant plus d'une fois, d'un air satisfait, les maisons d'habitation et les établissements de services publics modernes mis sur pied en harmonie avec des arbres fruitiers, Kim Jong-un a fait remarquer que le complexe d'arboriculture fruitier d'Edongan est un Éden socialiste spectaculaire propre à la Corée socialiste. Content de sa visite au complexe, le camarade Kim Jong-un a affirmé que le complexe qui change d'aspect avec le temps et qui augmente la production chaque année représente l'aspect de notre patrie en progression vigoureuse vers la pleine prospérité en face du monde. Il a exprimé la certitude que les cadres et travailleurs du complexe d'arboriculture fruitière d'Edongan, profondément conscients de leur mission pour appliquer les recommandations du général Kim Jong-il, livreront avec force les efforts destinés à appliquer et à sauvegarder les idées et la politique du parti et à fournir au peuple davantage de fruits.